Voici venir les derniers jours des temps décisifs et durs. Regarde ces hommes, amis d'eux-mêmes, sans affection cruelle, intraitables. Traîtres, entêtés, gonflés d'orgueil. Regarde partout les crapauds grouillent dans la mare sombre de l'ennui. Regarde la civilisation immonde, immonde. Achever sa course au dépotoir. Des bons qui sommeillent va sortir de sous la crête et le soleil va s'obscurcir et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Il y aura des disettes et des tremblements de terre et toutes les puissances seront ébranlées. Et nation se dressera contre nation, engendrant la guerre et la destruction. Et de faux prophètes se lèveront et en égareront beaucoup d'entre nous. Et la terre sera contaminée. Oui. Voilà, je vous aurais prévenu. Toutes ces choses annoncent le commencement des âmes.